Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Le Conseil de l'Union européenne a adopté la toute première loi sur la violence à l'égard des femmes. Le Conseil de l'Union européenne a adopté le 25 avril 2024 une directive sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, premier texte européen sur ces questions. Et en voici les grands lignes. Alors, le texte exige de tous les pays de l'Union européenne qu'ils érigent en infraction pénale les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et la cyberviolence. La cyberviolence, c'est-à-dire la traque furtive en ligne nommée le cyberstalking, le cyberharcèlement et l'incitation à la violence ou à la haine en ligne. Le fait de commettre ces crimes sera passible de peine d'emprisonnement pouvant aller d'au moins une année à cinq années. La directive comporte également une liste détaillée de circonstances aggravantes, passibles donc de sanctions plus sévères, telles que le fait de commettre l'infraction à l'encontre d'un enfant, d'un ancien ou actuel conjoint ou partenaire, ou d'un représentant public, d'un journaliste, ou bien encore d'un défenseur des droits de l'homme. La directive contient également des mesures visant à prévenir la violence à l'égard des femmes, la violence domestique, et fixe des normes pour la protection des victimes de ces crimes. Il sera ainsi plus facile pour les victimes de violences à l'égard donc des femmes et de violences domestiques de signaler un crime. Au minimum, il sera donc possible de signaler les actes de cybercriminalité en ligne. Ensuite, les pays de l'Union européenne doivent également mettre en place des mesures pour veiller à ce que les enfants reçoivent l'assistance nécessaire de professionnels. Lorsque des enfants signalent un crime commis par un titulaire de l'autorité parentale, les autorités devront obligatoirement prendre des mesures pour protéger la sécurité de cet enfant avant d'en informer l'auteur présumé. Ensuite, pour protéger la vie privée d'une victime et éviter une victimisation répétée, les États membres doivent en outre veiller à ce que le recours à des éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé de la victime soit autorisé dans le cadre de procédures pénales, mais uniquement lorsque cela est pertinent et nécessaire. Enfin, le texte prévoit également des mesures préventives visant à accroître la sensibilisation en ce qui concerne les causes profondes de la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique, ainsi qu'à mettre en avant le rôle central du consentement dans les relations sexuelles. Les États membres disposent d'un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive transposée dans leur droit national. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.